Stephen King aime les effets spéciaux de Morphing, Stephen King aime sa maman, Stephen King a écrit La Nuit déchirée et Mick Garris l'a réalisé. À toutes et à tous et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Bonjour Chris. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah, très bien, et toi ? Ça va, ça va. Il recommence à faire bien froid. Oui. Et pas désagréable. Oui, sauf le matin quand vraiment il fait froid et que c'est sûr, voilà. Ça te surprend. Je ne sors pas le matin. Voilà, c'est ça. Ça va faire. Très bien, donc aujourd'hui nous allons parler de La Nuit déchirée, qui est un scénario original de King. C'est son premier scénario original. En fait, il avait déjà fait quelques adaptations avant, mais de ses propres œuvres. Et c'est la première fois qu'il scénarise une nouvelle histoire pour le cinéma, parce que c'est sorti au cinéma. Et c'est une réalisation de Mick Garris, dont on a déjà souvent parlé. Oui. Dans des précédents épisodes, dont je mettrai le lien dans la description. Je propose qu'on y aille tout de suite. Oui, allons-y. C'est parti. Charles Brady est un nouveau venu en ville. Tu lui as vraiment parlé ? Oui, il est chouette. Il est plus que chouette. Toutes les filles sont folles de lui. Tous les professeurs le respectent. Vos professeurs de l'Ohio doivent beaucoup regretter d'avoir perdu un élève aussi imaginatif que vous. Tous les parents lui font pleinement confiance. Il est tout ce qu'il y a de charmant. Mais personne ne connaît sa vraie nature. Sauf sa mère. Serais-tu tombé amoureux de cette fille, Charles ? Tu ne sais pas qui je suis. Mais je veux le savoir. Derrière ce beau sourire se cache un secret. Salut ! Approchez, Tania, j'ai une surprise pour vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Derrière ce secret se cache une faim dévorante. Il faut vraiment que ce soit elle. J'ai faim à en crever. J'en ai besoin. Tu dois faire ce qu'il faut pour moi. Et derrière tout ça, se cache l'imagination de Stephen King. Aidez-moi, je vous en supplie. Il a tué un de mes hommes. Il a eu peur de ça. Donc, La Nuit déchirée nous raconte l'histoire de deux espèces de félins-garous, on va dire ça comme ça. Une mère et son fils qui ont une relation incestueuse et qui ont le pouvoir donc de se transformer en espèce de félin. C'est pas très clair lequel c'est censé être. Oui. Mais en espèces de félins et qui doivent tuer des gens pour se nourrir et pour survivre. Ils ne peuvent pas survivre autrement qu'avec de la chair humaine. Oui, et ça, dans l'exécution, ça fait très mélange entre loup-garou et vampire. Ouais, peu. C'est ça. Et ils ne peuvent pas se reproduire autrement qu'entre eux, c'est d'où la relation incestueuse. Voilà. Et donc ils débarquent dans une nouvelle ville après avoir dû fuir la précédente à cause de leur meurtre, et le fils va commencer à avoir une relation avec une jeune femme, et voilà, après il se passe des choses. Et puisque c'est un film. Voilà, c'est ça. Certaines sources disent que visiblement ce serait peut-être basé sur une nouvelle restée inédite, mais j'ai pas trouvé de confirmation claire de ça, ni aucune trace de la nouvelle en question, donc a priori c'est quasiment comme si c'était inédit dans tous les cas. Et la Columbia, qui finance le film, voulait bien tenter le scénario inédit pour le cinéma, et avec un budget pas trop mauvais, puisqu'il est de 15 millions de dollars, hein, suite à la réussite de certaines adaptations précédentes, dont Christine et Stand By Me, pas si longtemps que ça avant. Oui. Le premier réalisateur contacté, c'était Rupert Wainwright, qui à l'époque n'avait fait que des clips et des téléfilms. Il a réalisé par la suite le film Stigmata, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai déjà entendu parler. Alors je l'ai vu, mais il y a très longtemps, donc je me souviens que c'est du polar, thriller, avec un peu de fantastique, il me semble. Je crois, oui. Parce que ça... Stigmata, en rapport aux stigmates de Jésus qui apparaissent sur certaines personnes. C'est un peu, c'est pas un peu un truc dans l'esprit d'Anne Brown Oui, un peu, mais voilà, ouais. ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je m'avancerai pas plus. Mais oui, effectivement, ça peut faire penser un petit peu à du Dan Brown, le côté christique mélangé avec du thriller et du fantastique. Exactement. Et Stephen King, c'est Stephen King en fait qui insiste pour que la réalisation revienne à Mick Garris, qu'il ne connaissait pas personnellement à l'époque, c'est leur première rencontre, mais il avait déjà réalisé Critters 2 et Psychose 4 que King avait bien aimé. D'accord. A priori, d'après Garris, un des problèmes aussi avec le précédent réalisateur, ou un des précédents réalisateurs, c'était que ce dernier voulait trop modifier le script de King et que ça a causé des tensions. King, il aime pas trop, on joue beaucoup trop à ses voilà. écrits. Visiblement, ils se rencontreront assez peu pendant la production, King et Garris. Ils vont surtout échanger par courrier, par fax. En fait, la première fois qu'ils se voient vraiment longuement, c'est le jour où King est venu faire son caméo dans le film. Donc on parle. Fossoyeur. Voilà. Mick Garris dit qu'esthétiquement, il a voulu donner un aspect Norman Rockwell en enfer. Norman Rockwell, un peintre qui peignait un peu la... les banlieues américaines dans une certaine banalité. D'accord. Donc voilà, c'était la note d'intention esthétique du film. Il est tourné en même temps que deux autres films de la Columbia qui sont Hook et Dracula, le Dracula de Coppola. On pourra discuter de est-ce qu'il tient la route face aux autres, si tu veux. Moi, je pense que sur les trois, il y en a un qui est un bras en dessous. Oui, quand même. Au casting, dans le rôle principal, nous avons celui de Charles Brady, donc le fils du duo de créatures. Mmh. Nous avons Brian Crowe, qui n'a pas une grosse carrière en dehors. Il joue Leo Wyatt dans Charmed. Mais comme j'ai pas regardé Charmed, pour moi ça veut pas dire grand chose, mais a priori c'est un personnage un peu réputé. Mmh. Celle qui joue Mary Brady, la mère, c'est Alice Krieg, une actrice qui a fait partie de la Royal Shakespeare Company, donc elle a joué pas mal au théâtre dans les années 80 surtout, et après effectivement elle s'est tournée vers la télévision et le cinéma, surtout dans le cinéma de genre d'ailleurs. Récemment elle a joué dans la trilogie Un prince pour Noël, il y en avait trois. Et bah. Ouais. Elle joue la chef des fanatiques Christabella dans Silent Hill. Ah oui, d'accord. Voilà, donc qui est un très bon film. Oui, du coup, je vois d'où je la voyais. Mm. Tu l'as peut-être aussi vu dans L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage, où elle joue la fée Morgane, qui n'est pas un très bon film. Mais bon. Oui, d'accord. Que je n'ai pas vu, du coup. Je crois que je l'ai vu, mais j'ai pas un souvenir marqué. C'était pas terrible. Hein. C'était d'accord. Vraiment le creux de... Là où il faisait des trucs qui étaient juste chiants, en fait. Oui, il n'y avait pas le petit côté fun, nanardant, qu'il peut y avoir après. Ouais, voilà. Dans le rôle de Tanya, qui est un peu le love interest slash victime, on a Madken Amick, qui venait de jouer dans Twin Peaks, ce qui est son principal succès, même si depuis plusieurs années, elle a aussi un rôle dans Riverdale. D'accord. Alors, un peu rigolo, petite anecdote, son nom me semblait atypique, donc et Wikipédia donne une explication sur pourquoi elle porte ce nom-là. Donc Madchen, ça veut dire fille en allemand. Voilà, ses parents ont appelé leur fille fille. D'accord, ah oui, quand même. Okay. Ils se sont pas fait chier quand même sur cette histoire. Hein. C'est comme les gens qui appellent leur chat le chat, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est un enfant. Sauf que là, c'est un être humain. C'est encore plus problématique. Ça me rappelle dans Peanuts, il y a un personnage qui revient assez peu, parce qu'il n'y a qu'un gag autour de lui en réalité, qui s'appelle 5, parce que son père ne voulait pas chercher de nom pour ses enfants, donc il les a juste littéralement numérotés. Et leur nom de famille, c'est un code postal. Le policier qui est victime, c'est Andy Simpson, donc il est joué par Dan Martin, un acteur de second rôle, dont j'ai l'impression que la moitié des rôles, en fait, c'est des rôles de flic. Il est dans Les Prochaines 5, La Malédiction. Oh vache. Et il joue depuis 25 ans le rôle d'un flic dans Amour, Gloire et Beauté. Eh bah. Ouais. Alors, hasard de la Providence, Regarde ce qu'il y a devant moi dans mes étagères. Ah oui. Les Prochomes 5. La malédiction. Ouais. C'est quand même incroyable. Et... bon, faudra se faire un marathon Les Prochomes un jour. En fait, l'acteur majeur du casting, qui est dans un petit rôle quand même, c'est Ron Perlman, qui joue le Capitaine Soames. Il était quand même en début de carrière à l'époque, il avait tout de même fait déjà La Guerre du Feu et Le Nom de la Rose, mais c'était pas loin d'être ses seuls trucs sur 10 ans, en fait, ces deux rôles importants. Mais sa carrière était vraiment en tout début et qu'elle avait du mal à démarrer. Oui, surtout ça. C'est après, au cours des années 90, que ça se lance vraiment, entre autres via sa rencontre avec Guillermo del Toro qui le fait jouer dans Chronos, avec Jeunet qui le fait jouer dans La Cité des Enfants Perdus, et donc après on le retrouvera dans Blade 2, Hellboy, Pacific Rim, Alien Resurrection, et voilà. Et bientôt... Dans la majorité des del Toro, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, il fait souvent au moins un caméo, effectivement, il est aussi dans le dernier, Nightmare Alley. Oui. Bon, c'est un acteur moi que j'aime beaucoup, donc je suis toujours content de le voir. Et on le retrouvera bientôt dans The Retirement Plant, un film avec Nicolas Cage, avec qui il avait déjà travaillé sur Le Dernier Templier, mais c'était pas très bien Le Dernier Templier. Oui, c'était même. Donc je suis très curieux de voir leur collaboration, parce que ça peut donner un truc bien en fait, ces deux acteurs-là ensemble. Ouais, ces deux acteurs qui ont une bonne bouille et qui n'hésitent pas à cabotiner pour le spectacle. Ouais, voilà, j'espère que là, ils se lâcheront un peu. Mm. Parce que oui, c'était vraiment un rendez-vous manqué, Le Dernier Templier. Il y a pas mal de noms importants du cinéma de genre, du cinéma en général, qui font un caméo dans le film, puisqu'on retrouve principalement lors de la scène de la découverte du cadavre du flic, et un peu après à la morgue, John Landis, Joe Dante, Clive Barker, Tob Hooper et Mark Hamill. Ils viennent tous faire coucou. Ouais, c'est ça. Sur le tournage, a priori, il y avait 126 chats. C'est des scènes qui ont surtout été gérées par la seconde équipe. Ça devait être aussi le cas de la poursuite en voiture, puisque le réal de la seconde équipe choisie, c'était à la base Mickey Moore, qui est un vétéran du poste en ayant travaillé entre autres avec Spielberg sur Indiana Jones et la Dernière Croisade, ou sur SOS Phantom 2. Mais à cause d'une crise cardiaque, il ne peut pas assurer ce poste, donc c'est Mick Garris qui a dû faire la poursuite en voiture en disant lui-même que les scènes d'action et de course, c'était pas son truc, et que donc c'était une des scènes dont il était plutôt déçu dans le film. Il pense qu'il l'a pas bien géré, mais parce qu'il savait pas gérer ce genre de choses. On y reviendra. Depuis, l'assistant réalisateur s'est remis, hein, parce qu'après il a fait des trucs comme Rasta Rocket ou Les Tortues Ninja 3. Mmh. Bon, c'est pas le meilleur, Tortues Ninja 3, mais... ah oui, non, c'est pas le meilleur, on peut dire ça, ouais. Mais Rasta Rocket, même si c'est pas non plus un film... extraordinaire, je trouve, il a quand même une bonne aura très sympathique, c'est quand même très appréciable à voir. Oui, c'est très feel good. Oui, voilà, c'est ouais. Ça, de par son message très, très positif. Mm. C'est le genre de films qui font plaisir à voir, ouais. Qui font du bien. Et a priori, donc, Mickey Moore, il doit sortir un court-métrage bientôt, sauf que comme il est mort en 2013, je pense que l'information d'IMDB est un peu datée. Effectivement. Ou alors il n'est pas mort. Ah, a priori, il est bien bien mort. Il a été retrouvé sur la même île que Elvis et Tupac. Le tournage ne va pas sans problème parce que la direction de la Columbia change pas mal à cette époque. Et donc pendant la production du film, il y a un directeur qui arrive et qui dit que jamais, tant qu'il sera à la tête de la Columbia, ne sortira un film impliquant de l'inceste. Ce en quoi il avait raison, puisqu'il ne reste que quelques mois et que donc la production du film se termine après son départ. Dans les ajouts qui sont suggérés par Garris, il y a la scène de sexe qui a failli valoir au film un classement X. Ah bon, carrément X? Ouais. D'après Mick Garris, hein. Ouais. Et d'autres plans, à cause de la violence, ont mis en péril le classement R, ce qui fait qu'a priori, il y a eu besoin de monter le film 9 fois pour qu'il passe bien. Ça, à la limite, je veux bien le croire, parce qu'il y a quelques moments pas mal gore. Ouais, ça quand même, ouais, clairement. Le directeur photo, c'est Rodney Charters, qui a fait énormément d'épisodes de 24 heures chrono et de la série Vendredi 13. Bon, c'est pas si mal. Enfin, on sent que tout est trop éclairé, mais c'est pas la pire photo qu'on ait vue, non, clairement, je trouve. Les maquillages et effets spéciaux sont supervisés par Tony Gardner pour Alterian Studios. avec Denis Dion en collaboration. Il était en relatif début de carrière, mais avait déjà de belles choses à son actif, puisqu'il avait participé sans être crédité à Evil Dead 2, et en étant crédité au Retour des Morts Vivants, qui est vraiment cool, oui. À Psychose 4, donc d'où sa rencontre avec Mick Garris, au Blob, à Darkman, que j'aime vraiment bien aussi, ouais. Et à La Famille Adams. D'accord. Donc oui, quand même une carrière assez marquante. Ouais. Et par la suite, il a participé à Robot and Frank, qui est un film que je trouve très sympa. Je sais pas si tu as vu, sur un retraité qui, pour lutter contre la solitude, prend une sorte de robot animal domestique. Ben non, je ne vois pas du tout ce que c'est, du coup. J'en ai un bon souvenir au film. Après, ça fait un moment que je l'ai vu. D'accord. Et il est aussi directeur des effets spéciaux sur Le Fils, La Malédiction et Le Retour de Chucky. Mais son truc pour lequel il restera le plus, je pense, c'est qu'avec son studio Alterian, c'est lui qui a créé physiquement, d'après des idées des musiciens, mais les casques des Daft Punk. Ah ouais. Ouais. D'accord. Quand même un truc qui pèse un peu. Bah oui. Un truc qui va marquer, je pense, la pop culture, les oui, casques clairement. Des Daft Punk encore. Les effets spéciaux de Morphing, ça, ils insistent pas mal dessus dans les interviews, en étaient à leur tout début, et ça se voit. Le compositeur, c'est Nicolas Pike, qui collaborera plusieurs fois avec Garris. On en a déjà parlé sur Sacdos, par exemple. La musique est plutôt sympa, même si moi je trouve qu'elle manque un peu de cohérence. Je la rapprocherai en fait de la musique de Peur Bleue. C'est des pistes qui sont pas mal prises isolément, oui. Qui sont très kitsch quand même. Hein, mais oui, oui. Ça forme pas un ensemble cohérent, on dirait que ça a jamais été pensé comme un tout. Oui, ça a pas été pensé comme un récit construit, je vois ce que tu veux dire. Mm-hmm. Le film n'est pas super bien reçu par la critique, mais il s'en sort pas trop mal au box-office puisqu'il rapportera au total 30 millions de dollars, ce qui est, bon, vu le budget raisonnable. 15 000 c'était ? Ouais, c'est ça, 15 millions. Il a actuellement 29% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui, dans ce qu'on a fait, le place 46e à égalité avec Creepshow 2, et 2,5 étoiles sur Allociné, ce qui le placerait 44e à égalité avec La Part des Ténèbres, Détour Mortel, Sacdos et La Tour Sombre. Mick Garris raconte que selon King, Tabitha avait pitché une suite possible impliquant une équipe féminine de basket, mais qui n'a jamais été, ne serait-ce que lancée en pré-production. Mais c'est un pitch qui existe, visiblement. Je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Tu as l'intention de sortir ce soir ? J'irai peut-être au cinéma. Accompagné ? Avec une petite amie ? Oui, avec ma solitude. Oh, tu dois tout dire à ta mère. En fait, il y a une fille qui travaille là. Et j'avais pensé l'inviter. Tu pourrais ? Elle est très mignonne. Et elle est gentille ? Je ne sais pas. C'est ça que je voudrais savoir. Jalouse ? Intéressée. Je vois. Intéressée. Mmh. Très intéressée. Est-ce que je devrais être jalouse? Tu aimes ça? Oh maman. C'est tout ce que j'ai à en dire et je propose qu'on passe directement à nos avis. Bah, allons-y. Je te laisse. Eh bah, ben, La Nuit Déchirée, c'est de la pure série B, comme la série B des années 90, comme toi et moi, on peut l'apprécier. Ça se laisse regarder. Il y a quand même, on l'a évoqué en filigrane, des petits soucis, notamment en termes d'effets visuels de Morphing. Tout ce qui est effet pratique, par contre, je trouve, est plutôt réussi. C'est-à-dire, en dehors du Morphing, les masques, enfin les costumes des créatures, là, des divinités félines, je trouve, sont plutôt réussis. Alors ça fait pas peur, hein, ça révolutionne rien, mais ça va, c'est pas dégueulasse. On a vu bien pire, quoi. Clin d'œil, le loup-garou de Peur Bleue. Oui. Voilà. Et si tu prends ça comme maître étalon... Ah oui, non mais... Voilà, je trouve que ça fait le taf, mine de rien. Oui, ça va, ça va. Je trouve que le film a par contre le cul entre deux chaises sur pas mal de moments. Il y a des moments où tu sais pas si, si ça se veut être de la comédie ou si ça se veut être de l'horreur. Et du coup, je pense à cette fameuse course-poursuite réalisée par, par Milgaris lui-même. Et effectivement, je suis d'accord, il a du mal à maîtriser les scènes d'action et les scènes de poursuite. La scène, je la trouve personnellement assez ridicule. Ouais, elle est vraiment pas bien, cette scène-là. Avec le chat, avec le chat du flic là qui gueule dans la bagnole, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette séquence? Déjà, le flic a un chat avec lui. Pourquoi pas, hein. Oui. Je pense que c'est moins efficace pour choper les criminels qu'un bon labrador. Oui, je pense, mais c'est une meilleure compagnie. Oui, c'est pas faux. Moi, ouais, bah un peu pareil que toi, j'ai pas passé un mauvais moment, il y a des longueurs, oui. Il y a des grosses incohérences qui font qu'au final, le scénario, on n'a pas bien compris ce que ça voulait raconter, où ça voulait en venir, pourquoi. Ah, c'est pas clair, quoi, le lore autour de ces deux créatures-là est vraiment pas clair, parce que des divinités, des espèces de créatures félines, d'accord, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils se font attaquer par les autres chats? Parce que c'est de là que viennent les 150e de chats sur le tournage, présents sur le tournage. 126. Les 126 chats présents sur le tournage. Parce qu'il y a beaucoup de séquences où en fait on voit que les deux créatures sont dans leur baraque, ils font leur vie. Et en fait tu comprends qu'au fur et à mesure, les chats qui vivent tout autour du quartier commencent à se rassembler autour de la baraque pour lancer un assaut, pour les attaquer, quoi. Et c'est en partie aussi pour ça que du coup ils doivent se barrer de ville en ville et qu'ils peuvent pas rester toujours au même endroit. Parce que vous êtes au courant, dans le monde il y a beaucoup de chats. Et tu peux pas être tranquille si tu te fais attaquer par des chats régulièrement. Ouais, il y a ça, il y a le fait que je pense que pour le coup les antagonistes sont quand même assez fragiles et au final ils font jamais très peur parce que leurs pouvoirs ils sont pas ouf en vrai. Ouais. Justement, ils sont défoncés par les chats, ils peuvent se transformer mais ça leur demande de gros efforts et. Et à chaque fois, c'est un peu le tueur de scrim, quoi. Dès qu'ils sont en train de poursuivre quelqu'un, ils se prennent les pieds dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui traîne. Bah, quand il attaque. Quand lui, donc le fils, attaque la fille qu'il veut comme victime principale, elle arrive sans trop de difficultés à se défaire de lui, quoi. Elle lui met un coup d'appareil photo, il me semble. Ouais. En pleine gueule, et ça suffit, quoi. Ouais, voilà, c'est... Donc c'est vrai que la menace n'est pas vraiment menaçante, on est d'accord. Et ouais. Puis il y a ce côté où on te laisse supposer une grande menace, mais dès qu'un chat dans les parages, ils en peuvent plus, quoi. Ouais, ils sont apeurés. Ils fuient très très vite, ils sont vraiment terrifiés, ouais. Alors que le chat est tout seul. Le moment où je pense, c'est vraiment quand le chat... C'est le chat du flic, en fait. C'est lui, il rend sa voiture invisible, il se rend tout invisible. Mais le chat le voit quand même, mais il est quand même en stress. Et tu te dis, t'as peur d'un chat un peu boudiné qui est dans une voiture enfermée, quoi. Quand même. Un peu de fierté. Donc, ouais, la menace, c'est jamais très crédible. On sait pas, j'ai l'impression que les pouvoirs changent un peu d'une fois sur l'autre, parce que des fois, elle a l'air, notamment la mère, elle a l'air d'avoir une force énorme. Mmh. Et il y a d'autres fois, ça a pas l'air d'être le cas. Il y a un moment, elle arrive quand même à tuer quelqu'un, on en parlait de cette scène, avec un épi de maïs. Oui. En lui plongeant l'épée de maïs dans le dos pour l'empaler. En fait, le poignard avec un épée de maïs. Je pense qu'il faut une sacrée force pour réussir à faire ça. Ah oui, quand même. Je pense aussi. Et t'as aussi tout ce passage où du coup le fils est amoché et du coup ils ont une espèce de pouvoir auto-guérisseur. Mais ça prend 3 plombes. Tu te dis, mais faut vraiment pas se blesser gravement quand même. Ça rejoint encore une fois le fait que à aucun moment tu n'es terrifié par ces bestioles-là, puisque elles semblent avoir peur de tout. Alors certes, elles se guérissent, mais elles semblent ultra fragiles, et surtout à la limite de la mort, ils mettent une journée avant de s'en remettre, quoi. Ouais, et puis pourquoi leur choix en fait aussi de s'attaquer à quelqu'un qui est visiblement plutôt sociable, oui. Plutôt bien vu dans la ville. J'ai pas souvenir que ce soit trop expliqué pourquoi il prend pas juste un SDF. Voilà. En fait. S'attaquer à des gens affaiblis, des gens que personne ne regrettera, dont personne ne constatera la disparition, ça paraîtrait tout de même plus simple. Oui, clairement. Mais après, ouais, ça reste un peu fun à voir, quand même, je trouve. Oui, après, voilà, il y a des passages rigolos, le pied de maïs. Ouais. Avec un second degré, la scène de course-poursuite, tu rigoles, c'est pas le but. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu drôle quand même. Voilà. Mais oui, ça reste un film attractif. Il y a des flics qui se font tuer, moi je dis toujours banco. Oui. On est toujours content quand on voit Ron Perlman, voilà. Ouais, c'est ça, même s'il a pas un gros rôle, il aura un plus gros rôle dans d'autres trucs. Mais... Oui. Mais oui, c'est toujours sympa. À la limite, c'est un peu rigolo, les scènes où les personnages essaient, notamment le flic, celui qui va mourir, celui qui est avec son chat, où il essaie d'expliquer ce qu'il a vu. Ah oui. Et que ses collègues le prennent pour un fou. Bon, ça marche un peu, tu vois. Oui, oui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une grosse volonté humoristique dans le film qui apporte un second degré, qui aide un peu. Oui, c'est juste que des fois, en fait, ça le fait, mais au détriment de scènes qui ne devaient pas l'être, tout simplement. Ouais, tu songes à quoi d'autre, hein. Bah, fatalement, l'épi de maïs, je trouve qu'il y a quand même des scènes où, quand les chats sont tout autour de la maison, ça fait plus pitié qu'autre chose, quoi. Oui. Tu vois, c'est des chats, ils ont pas l'air méchants, quoi, tu vois. Tu vois des gros ragdolls, tout posés, tout tranquille. Et on essaye de te mettre une ambiance un peu menaçante, sauf que en fait ça marche pas, parce que tu vois que les bestioles, elles sont pas du tout affolées. Bah après, en même temps, c'est censé être les gentils, au final, les chats. Oui, mais on te met quand même une ambiance un peu lourde, oui, dans ces moments-là. Oui, c'est, on ressent pas la peur que les antagonistes devraient avoir. Ouais. Mais les chats sont pas trop mal dressés, c'est déjà pas si mal. C'est pas si récurrent que ça sur des films à petit budget. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans beaucoup de films, les films d'attaque d'animaux, les chats ils sont battus complètement esthétiques. Ouais. Ils feraient leur vie. C'est un truc qu'on constate souvent hein, dans les films d'invasion de chats. Mmh. Que quand ils veulent faire quelque chose au chat, en gros ils le balancent quoi, littéralement. Oui, voilà. C'est... Tu vois le chat affolé qui tout d'un coup surgit de l'écran, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait. Là non, les chats ont l'air d'avoir été bien traités. Ou drogués, peut-être les deux. Et du coup c'est pas forcément bien. Oh ça va. Bon, la fin du coup est un peu, c'est les chats qui détruisent les créatures, hein. il se passe pas grand chose d'autre. Au final, le souci, c'est peut-être qu'il manque aussi un héros humain qui fasse vraiment quelque chose, puisque la jeune fille, elle sert pas à grand-chose dans le film en soi. Oui, en fait, il y a aucun personnage ne sait ce qui se passe. Ouais, c'est ça, ils sont juste là comme spectateurs, ce qui pourrait être un truc intéressant. Sauf que comme ils sont pas non plus assez développés... Voilà. Là, pour le coup, les personnages sont tous vraiment pas intéressants. Tous les personnages sont comme nous, en fait. Ils sont dans l'attente de est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas. C'est un peu ça. Le seul qui a l'air de comprendre quelque chose, on sait pas trop pourquoi, c'est le prof. Oui. Qui se fait tuer. Bon. Il a l'air de savoir qu'est-ce que c'est que ces créatures ou quoi que. Voilà. Ouais, il a l'air de mieux comprendre. On sait pas d'où il sort ça, mais il a l'air de mieux comprendre. Donc, voilà. C'est la magie du cinéma. Mm. Non, c'est pas un film sur lequel j'ai énormément de choses à dire. Bah non, effectivement. C'est une série B. Pas désagréable. Ça se regarde, ouais. Mais on n'y reviendra pas forcément, quoi. Oui, non, clairement. Je pense pas que je le reverrai un jour. Hein. Ça reste peut-être, par contre, oui, effectivement, l'un des travails les moins dégueulasses de Garris, quoi. Oui, parce que c'est peut-être aussi une question de budget et le fait de pouvoir faire du gore. Oui, oui voilà. Rien que ça fait qu'il est plutôt au-dessus des autres. Après, j'ai pas vu Psychose 4 et Creatures 2. Ah oui, non, mais oui, je compare avec ses comparaisons, avec ses collaborations avec King. Voilà, avec ses adaptations. J'ai pas vu Psychose 4. De Psychose, je n'ai vu que le premier film. J'ai vu le 3 aussi. Par contre, j'ai vu Creatures 2, parce que j'ai vu la première trilogie de Creatures. Trilogie de films que j'aime bien, même si le troisième est très. Nanar slash mauvais par moment. Mais c'est quand même une trilogie pour laquelle j'ai un peu de sympathie. Bon, du coup, je propose qu'on voit une petite scène. Oui, allons-y. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Très bien, nous allons choisir une scène vers le milieu du flic, donc le... Du film. Du film. Mais avec un flic, c'est d'où le lapsus, où le policier au chat va revoir la voiture en fait qu'il a poursuivie juste avant. Pour celui, un de leurs pouvoirs, c'est de faire des morphings sur les voitures, ça les aide à disparaître. Mais là, il est revenu sur la voiture ultra repérable, ce qui est une bonne idée déjà. Oui. Et une jeune fille, donc l'héroïne du film, va arriver en courant, poursuivie par l'antagoniste qui s'est transformé en félin. Et donc voilà, on va voir le talent de la police. D'accord. Au secours! Je vous en prie, aidez-moi! Au secours! Je vous en supplie, amenez-moi! Vite, d'accord, vite, d'accord, il veut me tuer! Il est derrière moi! Il me poursuit, je vous en supplie, amenez-moi! Mais vous ne comprenez pas, allons, ne nous emballons pas, il s'appelle comment ce type? Il s'appelle Charles Brady, ce n'est pas un humain, son visage a changé. Son visage a changé? Non, montez dans la voiture, s'il vous plaît, attendez. Enfermez-vous. Non, non, il vaut mieux partir tous les deux. Allons, calmez-vous. Non, non, attendez, il faut partir tous les deux. Calmez-vous, voyons. Non, non, s'il vous plaît. Je vous dis que tout va se passer comme sur... Le... Ah, coucou, me revoilà, Tamia. Non, non. Je t'ai pas entendu faire les sommations d'usage, faux cul. Alors, où en étions-nous, Tania? Très bien, donc cette scène, à la limite, elle recoupe quand même un trope récurrent du cinéma d'horreur et de la série B, c'est que les flics sont pas bons. Hein. Oui. C'est quand même à peu près absolu dans l'horreur. Oui, c'est très régulier, effectivement. Ouais, dans l'ensemble, la police ne sert à rien. Là, il est quand même particulièrement nul, je trouve. C'est dommage, parce que c'est quand même le personnage le plus investi dans tout ce bordel. Oui, c'est ça, et il est un peu attachant, il a l'air un peu gentil, il aime bien son chat. Bon, donc, clairement, ça fait partie des personnages attachants du film, il n'y en a pas forcément beaucoup. Ouais. C'est la séquence qui arrive juste après, d'ailleurs, le fameux coup d'appareil photo dans la gueule. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste après ça. Mais justement, il est déjà blessé, le méchant, il est pas au meilleur de sa forme. Le flic, il y a plein de moments où il aurait pu fuir, où il aurait pu faire des trucs, profiter. Alors à la limite, oui, c'est une créature fantastique, c'est surprenant, mais j'ai l'impression quand même que le scénario ou la réalisation doivent un peu louvoyer pour que ce soit crédible qu'il se fasse tuer. Oui, voilà. Avec son chat qui assiste à tout et qui deviendra le meneur de l'armée de chats qui achève la mère à la fin du film. The King of Cats. Bah, qu'est-ce que j'en pense, toi, de cette scène? C'est une scène, comme on l'a évoqué, un peu rigolote. Si ça essaye de mettre de l'attention, ça échoue, clairement. C'est dommage, parce qu'en fait, à ce moment-là, le flic était tellement impliqué qu'en fait, t'as l'impression que... Enfin, tu ressors de la séquence avec une sensation de gâchis. Parce que tu te dis, bah, pourquoi lui, il meurt? Ouais, c'est lui que t'aurais voulu suivre, limite, ouais. Bah oui, tu dis, bah, pourquoi il meurt, en fait, c'est lui qui semble le plus à même de sauver la situation ou de faire des trucs. Parce qu'après, en effet, tu vas suivre un flic anonyme et t'as le personnage de Ron Perlman qui arrive, mais qui est juste un cow-boy. Il veut juste tirer sur tout ce qui bouge, oui, voilà, le c'est personnage ça. De Perlman. Parce que lui, il était là, lors de le précédent carnage, dans la précédente ville dans laquelle ils étaient. Ouais. En fait, il les poursuit. Après, à la limite, ça amène un aspect surprenant que ce soit ce personnage-là qui meurt, parce qu'effectivement, on s'y attend pas. Oui. Le souci, c'est qu'on s'y est pas non plus. Il est un peu attachant, mais pas non plus suffisamment pour que ça nous touche vraiment. Oui, clairement. C'est dans un entre-deux. Et effectivement, comme la scène manque de tension, qu'elle est plus vers le comique sans que je sache jusqu'à quel point c'est volontaire. C'est pas déplaisant, hein. Clairement, c'est pas déplaisant, mais comme l'ensemble du film, ça peine à permettre un investissement réel. Oui, voilà. Mais non, effectivement, la scène n'est pas déplaisante parce que, encore une fois, les effets pratiques sont plutôt bien faits. Ouais. Donc quand il se fait tuer, bah, ça rend plutôt bien. Là, à ce moment-là, c'est pas une métamorphose complète, le fils. C'est seulement le visage qui est à moitié transformé. Ça rend plutôt bien, je trouve, encore. Oui, oui, faut pour l'époque, pour un petit budget, oui. Oui, un petit budget d'époque, hein, il faut se rappeler, on est en 1992. Hein. Après, c'est vraiment quand on voit le morphing, hein, de toute façon, qu'il y a des vrais problèmes. Oui, que c'est vraiment dégueu. Ces moments-là, ils sont vraiment dégueu. Et c'est pareil pour le morphing de la voiture, hein, c'est horrible. Ouais. D'ailleurs, pourquoi ? C'est quoi ce pouvoir ? Bah, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à associer divinité des chats et morphing de voiture. Bah oui, c'est bizarre. Je sais pas. Ça a peut-être une explication. Surtout que dans leur transformation finale, ça fait très créature folklore un peu égyptien, tu vois. Ouais. Je trouve. Et l'Égypte antique, les voitures, bon. Vous connaissez pas trop ça, quoi. Ouais, après, bon, je te rappelle qu'il y a un mois, on était au cinéma en train de regarder une réincarnation de Kali dans une voiture. Hein. Oui, c'est pas faux. Non, non, en plus, c'est pas Kali qui est dans la voiture, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est le frère. Ouais, c'est le frère de... Ouais. On parle d'un film de la nuit d'Anarland, vous affolez pas. Qui était une intrigue compliquée, oui. Qui était un peu chargée. Donc... Mais il y avait beaucoup plus de lore que dans la nuit déchirée, par contre. Ouais, c'était mieux, en vrai, je pense que j'ai préféré. Mais bon... Mais c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet, hélas. Il n'a pas été scénarisé par Stephen King, celui-là. Non, bah voilà, j'ai rien à ajouter. Si vous êtes tolérant envers les séries B, un peu kitsch, un peu ridicule, donnez-lui sa chance. Ça oui, peut voilà. Vous faire passer un agréable moment. Bon, en sachant qu'on a abordé de bien meilleures séries B, un peu kitsch et un peu ridicule déjà. Oui, clairement. Donc, bah justement, on va voir où est-ce qu'on range ce film. Bien, le classement film compte désormais une œuvre de plus que d'épisodes, puisque nous en avons classé deux la dernière fois, que nous allons mentionner tous les deux, puisque au top 5, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières places, The Mist de Christian Thorpe, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher, le documentaire sur la théorie autour de Shining. Cette grosse merde, voilà. Dites tellement de conneries qu'en fait, on pourrait appeler ça un documentaire si le titre n'était pas déjà pris. Ouais, et puis si ça se prenait pas au sérieux, aussi. Et donc, nous allons classer La Nuit déchirée. Je regarde un peu dans quelle zone on va se trouver. Pour moi, on va être dans la zone Le Cobaye, donc qui est à la 34e place. Mmh. Moi, je pense qu'on est dans cette zone-là. Oui, est-ce que pour toi, on serait plus haut ou plus bas ? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que Le Cobaye ? Le Cobaye, c'était quand même pas très bien. Non. C'est plus fun. Oui, je pense que La Nuit déchirée, c'est quand même... Je sais pas. Le Cobaye trouve ça plus fun ? Non, justement, La Nuit déchirée, je trouve ça plus fun que Le Cobaye. Oui, d'accord. Moi, je mettrais ça entre celle et le cobaye. Ouais, ça te va ? Ouais. D'accord, bon, moi, c'est allé vite. Très bien, donc La Nuit déchirée de Mick Garris prend la 34e place entre celle de Todd Williams et Le Cobaye de Brett Leonard. C'est donc, je crois que de tous les Mick Garris qu'on a classés, ça doit être le deuxième. Je revérifie, oui, parce que le premier c'est Quicksilver Highway qui a actuellement notre 22e place. Il est quand même pas très haut, hein, Garris. Ouais. Très bien, donc nous en avons fini avec La Nuit déchirée. Et nous allons procéder au tirage au sort pour les prochains épisodes. C'est peut-être à toi de commencer, parce que c'est moi qui avais tiré Shining dans mon souvenir. Oui, exactement, j'avais tiré... tiré Shining en premier, moi ensuite La Nuit déchirée. Oui, bah du coup, c'est à toi de commencer cette fois. Oui, ouais. Exactement. Autant pour moi. Je tire un bout de papier sous le regard accusateur d'un chat, d'un Maine Coon. Ah, titan cette fois-ci. Donc les chats, le chien de cimetière, sauf que lui il est roux, c'est un noir. Mm. Ah, j'ai l'air un peu moins méchant que celui de cimetière, deuxième quand partie. Quand même. J'ai un bout de papier et j'ai tiré, décidément, Mick Garris, encore une fois, avec Désolation. Putain, mais non, mais j'ai pas envie de relire Désolation, moi. Voilà. On retrouvera Ron Perlman dans Désolation, avec un plus gros rôle que dans La Nuit déchirée. Ouais. Et donc, je pioche un bout de papier. J'en ai un. Et j'ai pioché... Ça faisait longtemps... Les enfants du maïs. Ouais, les démons du maïs... Genesis. Oh putain, c'est le combien celui-là ? Children of the Corn, Genesis, de Joël Soisson. Ça a été pendant longtemps le dernier, maintenant c'est l'avant-dernier. À moins qu'il y en ait un depuis. Non, c'est peut-être, je confonds, je crois que celui qu'on avait trouvé pas mal, Runaways, il vient après, donc ça doit être l'avant-avant-dernier maintenant. Ok, nous allons donc joyeusement mettre fin à nos jours. Ouais, c'est... Bon après, je sais pas, il y a peut-être Phil Collins et Peter Gabriel dedans, Genesis... La très bonne blague. Musicalement, j'aime bien. Hein. Merci beaucoup, Issa. Ouais. Très bien, donc ça va dire qu'on va enchaîner sur du Garris, puisque dans 2 semaines, nous nous retrouverons pour Désolation. Yes. Desperate. Desperation. Desperation. Ouais. En anglais. Titre original. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur... Alors, @cinémaarchiviste sur Twitter et Blue Sky. Bon, sachant que quand même, on est beaucoup plus présent sur Blue Sky maintenant. Bon, je continue à quand même pas mal utiliser Twitter, vu qu'il y a pas mal de gens qui postent des trucs régulièrement. Oui. Et du coup, Chris Lost Tales pour moi. Ouais. On a également avec un underscore sur Twitter. Ah oui. Et un tiret sur Blue Sky. Parce que sur Blue Sky, tu peux mettre des tirets, alors que sur Twitter, tu ne peux pas. Ouais. Ça manque la merde. Voilà. Un Discord également qu'on mettra en description. Ouais, c'est ça. Nous faisons des Twitch de temps en temps. Le programme est décidé en fin de semaine pour la semaine suivante. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vérifier ça. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.